Chapitre 44e. Premiers éléments d'enquête. La première chose que découvrit du tilleul fut un nom et un visage d'ange. Ossine Mani était un bel enfant au visage rond et au sourire timide. Pour tout le monde, un garçon gentil et sans histoire, très sérieux et très sage, très solitaire aussi. Du tilleul avait retrouvé sans peine l'école maternelle où il avait passé ses premières années. Il y avait laissé un excellent souvenir. Il était si sage, si poli. Je n'ai jamais eu à le reprendre sur la discipline, se souvenait la directrice. Il était si différent de son cousin Malik. Vous saviez donc qu'ils étaient cousins ? S'étonna du tilleul. Naturellement. La maman ne me l'a pas caché quand elle est venue inscrire les enfants. Vous souvenez-vous de Malik Boucharif ? Difficile de l'oublier. Hélas, c'était un chenapan. Mais au fond, il n'était pas méchant. Il ne discutait jamais les punitions. Il fallait le surveiller constamment, mais il n'était pas vicieux. Était-il un enfant heureux ? Je ne dirais pas cela, non. Il souffrait trop cruellement du manque de ressources de ses parents. Était-il de nature envieuse ? Pas vraiment. Mais cela ne l'empêchait pas de voir qu'il l'avait moins que les autres. Nous nous efforcions de gommer de notre mieux les différences, mais ce n'était pas facile. Vous ne pouvez empêcher certains enfants de se sentir frustrés. Il a compris très vite, hélas, la réelle condition de ses parents. Il le supportait mal. Ossine Mani souffrait-il aussi de cette différence ? Eh bien, je n'ai jamais réfléchi, mais je ne le pense pas. Il était au-dessus de cela, du moins, c'est l'impression qu'il m'a toujours donnée. Vous comprenez, monsieur le commissaire, il prenait tout ce qu'il avait de bon à prendre. Il était très vif. Comme il avait soif d'apprendre, je l'ai encouragé. Il était toujours si soigneux. Avec lui, il n'y avait pas besoin d'arracher de pages. Les devoirs étaient bien faits. Pour un garçon, il possédait même une belle écriture, très appliquée. Il n'avait aucun mal à se tenir en tête de classe. Vous souvenez-vous de ce qu'il voulait faire plus tard ? Oui, parce que cela m'a marqué. Il voulait faire du droit. C'était assez étonnant pour un enfant de cet âge. Les échos du collège et du lycée se révélèrent en tout point semblables. Ossine Mani était très bien noté. Du tilleul avait pris le temps de rencontrer le proviseur. « Mani ? Un garçon courageux, très mûr pour son âge. J'ai tout de suite senti qu'il pouvait aller très loin. Individualiste, mais sympathique. Bon en tout, y compris en sport. J'aurais été très heureux de le recommander. S'il avait voulu intégrer une prépa, il en avait largement le niveau. Il s'est dirigé vers le droit, à ce que j'ai compris. Oui, mais il aurait tout aussi bien pu faire autre chose. » Je l'ai toujours rangé dans la catégorie des caméléons. Toutes les carrières lui étaient ouvertes. Il en avait non seulement toutes les capacités, mais également la force de travail nécessaire. Cependant, dans ce concert de louanges, une voix détonnait, celle d'un professeur de français que du tilleul écouta avec attention. Il ne m'a jamais donné le sentiment d'être épanoui. Bien sûr, il donnait le change, mais on sentait une fêlure en lui. Comment étaient ses notes ? Bonnes ? Mais je pense qu'elles auraient pu être encore meilleures s'il avait accepté de se livrer un peu. Je le sentais très sensible derrière son sourire de façade. Bien sûr, il prenait bien garde à ne pas se découvrir. Une seule fois, il m'a fait entrevoir tout le potentiel qu'il avait en lui. Je me rappelle encore du sujet de la rédaction « Décrivez un pays imaginaire ». Sa copie était vraiment très bien écrite, mais il a refusé que je la lise devant la classe. Comme il y avait une vraie gêne, je n'ai pas insisté. J'ai senti qu'il ne voulait pas que Malik connaisse ses pensées. Malik et Ossine étaient dans la même classe. Oui, et je l'ai toujours regretté. Je m'en suis souvent ouverte au directeur, mais rien n'a changé pour autant. Il m'a répondu qu'il lui était très difficile de modifier la liste, ce qui, je le savais très bien, n'était pas vrai. Comment pouvez-vous vous montrer aussi affirmative ? Il est toujours curieux de voir comment certains parents obtiennent des passe-droits, alors que bien souvent, ce n'est vraiment pas justifié. Parleriez-vous de favoritisme ? Le professeur haussa les épaules. Vous savez, monsieur le commissaire, ici c'est comme partout, quand on peut arranger, échange de bons procédés. Diriez-vous qu'Ossine ne se sentait pas libre avec Malik dans la même classe ? Ce n'était pas qu'un simple problème de liberté, c'était bien plus profond. Ossine souffrait cruellement de l'attitude de Malik. Quand celui-ci faisait le pitre en classe, Ossine baissait les yeux, de honte. Ossine se sentait montré du doigt alors qu'il ne le méritait pas. On ne parlait jamais autrement de lui qu'en l'associant à Malik, ce qui devait être humiliant. La plupart du temps, il parvenait à faire bonne figure, puisque mes collègues n'ont rien remarqué. Mais je n'étais pas dupe un seul instant. C'était un enfant en détresse. Saviez-vous qu'ils étaient cousins? Non. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, ils étaient frères. Ils se ressemblaient beaucoup et Malik témoignait d'un réel attachement envers Ossine. Il ne fallait pas être grand clerc pour voir qu'il l'admirait, qu'il aurait tout donné pour être comme lui. Ossine apprenait si vite. Le garçon possédait une excellente mémoire, excellent grammaire, bon en orthographe. Il lisait et écrivait bien. Vraiment tout l'inverse de Malik qui avait de vraies difficultés. Lesquelles? Par exemple, il s'obstinait à écrire de la main droite alors qu'il était gaucher. Je m'en suis aperçu au premier exercice de découpage, car il était incapable d'utiliser les ciseaux de la main droite. Ce dernier élément était particulièrement intéressant. Dutilleul désirait le vérifier au plus vite. Aussi rentra-t-il rapidement au commissariat. Il se fit communiquer tous les dossiers concernant Malik Boucharif et se maudit intérieurement d'avoir négligé ce détail. Cependant, à sa décharge, un seul dossier mentionnait le fait que Malik Boucharif tirait de la main gauche. C'était celui concernant le meurtre de Serge Prêtre. Heureusement pour Dutilleul, Malik Boucharif s'était prêté de bonne grâce à la reconstitution et l'instinct avait fait le reste. Pour quelqu'un qui prétendait avoir fumé du haschich, le coup n'en demeurait pas moins extrêmement précis. Il n'avait guère eu plus de quelques secondes pour ajuster son tir et faire mouche, fait qui avait considérablement alourdi le dossier. La volonté de tuer était manifeste et l'accusation avait eu beau jeu de marteler ce fait pendant le procès. La sanction ne pouvait qu'être très lourde. Avant de se rendre à Fleury-Mérogis, Dutilleul voulait vérifier un autre point, mais pour cela il devait contacter Maître Vérel. Il se chargea lui-même de l'appeler, car il n'avait pas de temps à perdre. Il se montra particulièrement sec avec Madame Giraudet, le dragon qui faisait office de secrétaire. Il prit bien soin de se montrer le plus cassant possible et visiblement, cela fit son petit effet. L'attente fut très courte et le ton à l'autre bout du fil, sensiblement plus respectueux. Dutilleul sentit d'ailleurs Maître Vérel de très bonne humeur. « Bonjour, Dutilleul. Alors comme ça, on rudoie mon personnel ?»« Oui, j'ai pensé que cela ne pouvait que lui être bénéfique. J'espère que vous n'êtes pas choqué. »« Pas le moins du monde. Pour tout vous dire, j'en ai profité pour en rajouter une couche. » Afin de reconquérir un peu le territoire. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous quand Marion Chardy a acheté sa télé? Oui. Je ne me souviens plus précisément de la date, mais ce devait être peu de temps avant Noël. De mémoire, le 18 ou le 19 décembre 2002. En tout cas, dans ces eaux-là. Marion n'aimait jamais aller dans les magasins à cette période, car elle n'aimait pas la foule. De toute façon, elle détestait Noël, ce que je comprenais parfaitement. Même si elle ne l'avouait pas, elle se sentait terriblement seule et ce, malgré la présence de Boucharif. Comme je la contactais particulièrement à cette période, afin de prendre la température, j'étais très déçu qu'elle ne me fasse pas part de ce projet d'achat. Auriez-vous tenté de la dissuader? Pas forcément. Si vraiment elle en avait eu envie, je n'aurais eu aucune raison de m'opposer, même si je lui aurais demandé de bien réfléchir. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon, et du coup je n'ai rien pu contrôler. Vous avez du nouveau? Peut-être, mais il est bien trop tôt pour en parler. Pourriez-vous me faxer au plus vite cette facture? Oui, je vais demander à Madame Giraudet de le faire tout de suite, ce qui, vu son statut dans la maison, ne devrait guère lui plaire. Dutilleul, tenez-moi informé, voulez-vous? Bien sûr, maître. Merci.